Le bonus reprise mobile de SFR débarque chez Monsieur Sentimental. Tu comprends, c'est la rentrée, je dois passer à autre chose. Je vais te ramener chez SFR, je vais profiter de 100 euros de réduction et repartir avec un nouveau mobile. Chut, s'il te plaît, oh non, ne rends pas les choses plus difficiles. On peut rester amis si tu veux. À la rentrée chez SFR jusqu'au 7 octobre, c'est le moment de changer grâce au bonus reprise mobile. Rapportez votre ancien mobile en magasin et bénéficiez d'une remise jusqu'à 100 euros sur l'achat d'un nouveau modèle. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition. Montant du bonus variant selon le mobile éligible acheté. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire Dany Le Prince. Le 5 septembre 1994, les gendarmes découvrent les cadavres de Christian Le Prince, de sa femme Brigitte et de deux de leurs enfants dans leur maison de Torigné-sur-Deux, dans la Sarthe. Les corps ont été lacérés, pour certains déchiquetés et pour d'autres à moitié décapités par un objet tranchant. Le crime est barbare, insoutenable. La presse et les médias de tout le pays s'en emparent. Et la région sombre dans la peur. Oui, peur qu'un tueur fou, toujours en liberté, ne récidive. D'autant que, faute d'indices et de témoignages, l'enquête des gendarmes s'enlise. C'est alors qu'un membre de la famille Le Prince va faire de graves révélations qui vont orienter l'enquête sur la piste d'un seul et unique suspect, Dany, le frère cadet de Christian Le Prince. Dès lors, sur la seule base d'un faisceau de présomption et sans aucune preuve matérielle indiscutable, la machine judiciaire s'emballe et l'engrenage infernal conduit cet homme au pire des châtiments, la prison à vie. Notre invité aujourd'hui, en duplex des studios de France Bleu à Toulouse, maître Édouard Martial, avocat, il défend depuis 2014 les intérêts de Dany Le Prince. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara. Coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Torigné-sur-Deux, département de la Sarthe, lundi 5 septembre 1994. Il est un peu plus de 9h lorsque le téléphone sonne à la carrosserie Le Prince. Franck, un jeune employé, décroche. C'est le chef du bureau de poste d'une commune avoisinante qui l'appelle. Il veut parler à Christian, le prince, le propriétaire du garage. Franck lui répond que son patron, d'ordinaire si ponctuel, n'est pas encore arrivé. L'homme au téléphone explique alors à Franck que la femme de Christian ne s'est pas présentée ce matin pour prendre son service et qu'elle ne répond pas non plus au téléphone. Franck s'inquiète, évidemment. Alors il prend sa voiture et se rend chez le prince. Christian, lui, avec sa femme Brigitte et leurs trois filles, dans un joli pavillon situé à la sortie du village de Torigné, un endroit isolé. Pour seul voisinage, à une vingtaine de mètres, Dany, l'un des frères de Christian. Vu du ciel, leurs deux maisons se ressemblent. Seule délimitation visible, une épaisse et haute haie de tuyas qui sépare les jardins. Tout autour, des hectares de champs. Lorsqu'il arrive, Franck aperçoit les deux voitures du couple Le Prince. La porte d'entrée de la maison est entrebâillée. Les volets sont ouverts. À l'intérieur, le téléphone sonne. Personne ne décroche. Franck marche jusqu'au niveau de l'entrée. Là, il aperçoit une grande tache rouge marronnée qui ressemble à du sang. Alors il frappe à la porte, une fois, puis deux. Pas de réponse. Il décide de jeter un coup d'œil autour de la maison. Là non plus, personne. Le jeune homme revient devant la porte d'entrée et la pousse. Surgit le chien de la famille Le Prince qui se précipite dehors. Puis, Franck se retourne et là, il fait face à l'horreur. Dans le couloir face à moi, j'ai découvert le corps de la fille aînée des Le Prince, Sandra, 10 ans. Elle baignait allongée sur le côté, les jambes repliées dans une mare de sang. Elle portait une culotte de fille et un t-shirt, imbibé de rouge. J'ai d'abord cru qu'elle était tombée et qu'elle s'était blessée. Mais juste à côté d'elle, entre les battants des portes vitrées du salon, il y avait autre chose. Je me suis approché et j'ai compris que c'était les jambes d'un autre corps. Celui de mon patron, Christian. Il avait son slip et son jean baissé jusqu'au genou. Sa mâchoire était déchiquetée, comme si un chien l'avait attaqué. Il y avait beaucoup de sang autour de lui. J'ai alors fait demi-tour et je me suis précipité à ma voiture pour partir donner l'alerte. Encore sous le choc, Franck fonce en direction de l'atelier de carrosserie. À son arrivée, il hurle. Il y a eu un massacre chez Christian, il faut prévenir les gendarmes. Ensuite, le jeune homme décide de retourner sur place avec un collègue et d'attendre l'arrivée des secours. Une fois sur place, les deux ouvriers se dirigent vers la seconde maison qui se trouve de l'autre côté de la haie. C'est celle de Danny, le frère de Christian. Et là, ils aperçoivent au loin une femme et une jeune fille près d'un tracteur. Il s'agit de Martine, l'épouse de Danny, et à ses côtés, sa fille aînée, Célia, 15 ans. Voyant les deux hommes s'approcher, Martine se met à pleurer. Puis, lorsque Franck lui explique ce qu'il a vu, la femme hurle « Je veux entrer, s'il y a au moins une fille à sauver !» Dans les minutes qui suivent, pompiers et gendarmes arrivent à leur tour. Ils bouclent le périmètre autour des deux maisons. Les deux employés de la carrosserie, Franck et son collègue, ainsi que la nourrice de Le Prince, arrivés entre-temps sur les lieux, sont interrogés. La nounou, une femme d'une quarantaine d'années qui s'occupe de la plus jeune des enfants Le Prince, Solène, livre un récit surprenant. Elle explique qu'à plusieurs reprises, elle a essayé d'appeler Brigitte Le Prince ce matin. Trois fois, la ligne était occupée. Au quatrième appel, le téléphone sonnait dans le vide. Inquiète, elle est venue ici. À son arrivée, il y avait des traces de sang près de la boîte aux lettres et de la haie, comme si on avait traîné un corps. Elle raconte ensuite avoir couru à la porte de la maison de Christian et Brigitte Le Prince. Elle est entrée et a découvert le carnage. Ensuite, affolée, elle est partie à la mairie pour avertir les secours. Lorsqu'elle est revenue, les deux ouvriers de la carrosserie étaient là avec Martine, la femme de Danny. Et cette dernière semblait indifférente face au drame qui venait de se passer. Et surtout, elle demandait sans cesse « Où est la petite ?» À quelques dizaines de mètres de là, les pompiers, accompagnés du médecin du village, Serge Bouzard, entrent dans la maison de Christian et Brigitte Le Prince. À l'intérieur, dans la pénombre, des corps sont étendus au sol. Il y a du sang partout. Le docteur Bouzard s'approche. Première victime, Sandra, 6 ans. L'enfant est morte. Elle semble avoir été lacérée par un objet tranchant. Juste à côté, il y a le corps de son père, Christian, allongé sur le ventre, les bras en avant et dont la tête en charpie baigne dans une flaque noire. Après avoir enjambé les deux premiers cadavres, le médecin en découvre un autre, dans la cuisine. C'est Brigitte, la femme de Christian. Elle est sur le ventre, pieds nus, sa tête est déchiquetée et son chemisier blanc à fleurs bleues égorgé de rouge. À côté, la porte du frigo est ouverte, et on distingue au sol une empreinte de chaussures très nette, aux stries horizontales. Ailleurs, dans les autres pièces, les gendarmes retrouvent la même empreinte. Le docteur Bouzard, lui, ressort de la cuisine lorsqu'il entend quelque chose d'étrange. Tout à coup, j'ai entendu un bruit qui venait du fond du couloir. Cela venait de derrière une porte. On aurait dit les gémissements d'un enfant qui vient de se réveiller. La poignée de la porte n'avait pas de sang. J'ai ouvert et je suis entré dans la petite pièce. Là, debout, appuyé à un lit, il y avait une petite fille. Le médecin prend l'enfant dans ses bras et l'enveloppe dans son blouson. Une fois dehors, il la remet à la nourrice qui la reconnaît. C'est Solène, 2 ans, la petite dernière de la famille Le Prince. Elle ne semble pas avoir été blessée. Au même moment, les pompiers font une autre sinistre découverte. Dans le long couloir qui dessert les trois chambres, serpente une longue trace de sang parsemée de mèches de cheveux. Au bout, allongé sur le dos, le visage embouilli, le cadavre de la petite Audrey, 10 ans. Elle semble avoir été tuée dans la salle de bain, où l'on retrouve des litres de sang sur la machine à laver et dans le lavabo. Preuve sordide de l'acharnement du tueur, les coups portés ont entamé à 2 reprises le métal de la machine à laver. Dehors, des pneus crissent, une voiture s'arrête. À son bord, Robert et René Le Prince, les parents de Christian et de Danny. Ils viennent d'être alertés que les pompiers étaient au domicile de l'un de leurs fils. Lorsque René aperçoit la maison et le visage des gendarmes, elle hurle de douleur et lance une série de propos confus. Parmi ceux-là, elle répète, depuis le temps que ça devait arriver, je le disais, je le prévoyais, il fallait que ça arrive, ce truc-là. Viennent ensuite les deux autres frères de Christian. Alain d'abord, Danny ensuite. Ce dernier revient de son travail. Il s'écroule au volant lorsque Martine, sa femme, lui explique ce qui s'est passé. La seule pensée de Danny est pour les enfants de son frère. Il dit « Et les filles ?» Martine lui répond « Seule la plus petite s'en est sortie. » Ce lundi 5 septembre, à midi, la rumeur sur le quadruple assassinat de la famille Le Prince est déjà répandue dans tout le petit village de Torigné-sur-Deuée. Au micro de France Inter, le maire, Christian Play, est consterné. Nous sommes dans un village de 1600 habitants, tout le monde se connaît, on les connaissait très bien. Participer à la vie communale et tout. Il y avait des enfants qui étaient à l'école, dans un instant il y avait quelque chose, une fête locale, ils étaient toujours là, ils étaient toujours avec nous, oui. Je veux dire que personne ne comprend, si vous voulez, c'est tellement affreux qu'on ne peut pas comprendre. On a du mal à y croire, et malheureusement c'est vrai, mais c'est le drame épouvantable, je dirais. Et bon, c'est ressenti par les habitants de la même façon, c'est bon, ben, chacun pense un petit peu que ça aurait pu être lui, tout compte fait, chacun a peur, c'est vrai. Chacun est inquiet. Et on aimerait bien que les auteurs soient pris le plus vite possible. Vous imaginez une seconde que ça peut être quelqu'un du village ? Non. Non, non, j'imagine pas ça du tout. Pas du tout. Je pense que c'est pas possible, parce que pour faire un acte pareil, il faut être complètement dément pour moi. Donc je pense pas que ce soit possible que je vienne ici. C'est un village paisible. J'ai jamais entendu parler de haine. Moi, je suis ici depuis aussi presque 30 ans. Et avant, j'étais juste à côté. Donc non, non, il n'y a absolument pas ce problème dans notre village. Le lendemain matin, mardi 6 septembre, le capitaine Lambert, chef de la section de recherche de la gendarmerie d'Angers, prend l'enquête en main. Dans la foulée, ses hommes convoquent et interrogent les voisins, les amis, les membres de la famille et toute personne qui connaissait de près ou de loin Christian Le Prince ou sa femme, Brigitte. Parmi les témoignages qui intéressent les enquêteurs, il y a surtout celui de Danny Le Prince et de sa femme Martine, qui vivent alors avec leurs trois filles dans la maison voisine de celle de Christian et Brigitte. Dans le procès-verbal de leur première audition, Danny Le Prince et sa femme se montrent catégoriques. Non, ils n'ont rien vu, rien entendu cette nuit-là. Interrogé sur son emploi du temps de la veille, Danny explique être rentré chez lui à 21h, avoir dîné, puis être allé se coucher. Voilà, c'est tout simple. Sa femme, Martine, affirme avoir regardé la télé, puis être allé au lit vers 23h. Et elle confirme que son mari s'est levé à 2h30 du matin pour aller travailler à l'usine de boucherie, comme il le fait chaque jour. Dans la presse régionale et nationale, l'affaire du quadruple meurtre de Torigné s'affiche en une. Un acte de folie plein de cruauté, peut-on lire ici, ou encore la piste d'un rôdeur privilégié. Et très vite, ces titres inquiétants et les détails macabres qui les accompagnent vont plonger toute la région du Mans dans la psychose. Les habitants se barricadent chez eux, comme en témoigne cet habitant de Torigné. C'est un massacre pareil, qu'on en veut à une grande personne parce qu'il y a un problème encore, mais s'acharner sur des enfants, égorger, c'est l'horreur, l'horreur, l'horreur. Pour moi, ou alors c'est des fous, c'est pas, on n'est pas normal quand on fait une boucherie pareille, c'est pas possible. Des gens sans histoire, prêts à rendre service à n'importe qui. Des gens qui bossaient tout le temps, qui... Moi, j'en voyais pas du tout d'ennemis, pas du tout. Et vraiment, on a peur parce qu'on se dit, est-ce qu'ils étaient vraiment visés? Est-ce que c'est des malades? Ça peut être nous, ça peut être n'importe qui. C'est... On va pas dormir cette nuit, je vous assure qu'on est... On est malade, hein. Moi, j'ai rien pu avaler de la journée. Savoir des... Il peut arriver une chose pareille près de nous, on se dit, c'est un film, c'est pas possible, c'est pas... Jamais on aurait pu imaginer que... qu'il puisse... C'est une chose aussi horrible. J'espère qu'on va trouver vite ce qui a pu se passer. On va te rassurer, parce que vraiment, c'est l'horreur. L'horreur. Au même moment, à l'intérieur du pavillon de Christian et Brigitte, les techniciens de la brigade scientifique sont à pied d'œuvre. Le crime et sa chronologie sont pas faciles à reconstituer. Vu les vêtements que portaient les victimes, les enquêteurs ont conclu tout de même que la famille allait se coucher lorsque le meurtrier est arrivé. Une hypothèse confirmée par le premier rapport du médecin légiste. Ce dernier estime l'heure du crime entre 20h et 23h, le dimanche soir. La disposition des corps indique par ailleurs que Christian Le Prince, le père de famille, semble avoir été tué le dernier puisqu'il a les jambes sur celles de sa fille et qu'il a été traîné à l'extérieur. Enfin, l'arme du crime serait un objet à la lame tranchante et pourrait s'apparenter, d'après les informations qui fuient à l'oreille des journalistes, à un couteau de boucher, un hachoir, aussi appelé feuille, une sorte de longue lame aiguisée de presque 30 cm. Malgré le chaos qui règne dans la maison, les gendarmes excluent vite le crime crapuleux. Aucun objet de valeur n'a été dérobé. Certes, il y a des traces de lutte, mais les tiroirs de la penderie, par exemple, n'ont pas été vidés. Et on retrouve à l'intérieur une boîte avec de l'argent. Qui plus est, dans le bureau, les gendarmes tombent sur le portefeuille de Christian Leprince avec à l'intérieur 610 francs. En revanche, les enquêteurs font une étonnante découverte. Sur le dessus d'un meuble, ils trouvent une feuille de papier laissée en évidence. On peut y lire « Je sous-signais Monsieur le Prince Christian reconnaît avoir prêté à Monsieur le Prince Dany la somme de 10 000 francs. » La lettre est signée et datée du 22 août 1986, il y a donc 8 ans par rapport aux faits. S'agit-il d'une piste pour autant? Trop tôt pour le dire. Mais les gendarmes considèrent de fait Dany le Prince comme un possible suspect. Mardi 7 septembre, 48 heures après la découverte des corps, coup de théâtre, Martin Leprince se présente à la gendarmerie. La femme de Dany explique qu'elle a vu la veille, à la télé, que l'arme du crime pourrait être un hachoir de boucher. Or, un hachoir, elle en avait un, justement, chez elle, mais celui-ci a disparu. On découvre que la lame en question se trouve chez les grands-parents Leprince, Robert et René, et elle a été lavée. Pas d'ADN donc. Mais les enquêteurs en sont sûrs, il s'agit bien de l'arme qui a servi à tuer Christian Leprince et sa famille. La piste d'un possible drame familial prend corps. L'après-midi même, la maison de Dany et Martine, celle des grands-parents et celle du troisième frère, Alain, sont perquisitionnées. À rien. Alors, tout ce petit monde, ainsi que Célia, la fille de Dany et Martine, est ensuite placée en garde à vue. Lors des interrogatoires, les enquêteurs prêchent le faux pour tenter d'obtenir le vrai, classique. Ils cherchent à faire craquer l'un des membres de la famille, alors ils accusent, ils menacent, ils insultent et ils crient. Un climat de terreur s'installe. Et une course frénétique aux aveux est lancée. Le tournant de cette affaire intervient le lendemain soir. Après plus d'une journée de garde à vue, d'interrogatoires musclés, Martin Leprince livre aux gendarmes une nouvelle version de son témoignage. Et là, elle accuse son mari, Dany. Ce soir-là, après que Dany soit sorti de table, j'ai rassemblé les restes du repas pour aller les donner à nos chiens dans le garage. Et là, j'ai entendu des cris. Je suis alors sortie dehors et j'ai vu Christian au coin de la haie entre les deux maisons. Il y avait quelqu'un de grand derrière lui, avec quelque chose qu'il brandissait. J'ai été vers eux et j'ai crié « Arrêtez !» Et là, j'ai vu que c'était Dany qui tapait sur son frère avec un objet brillant. Elle poursuit, raconte comment elle a découvert les corps de Brigitte et des deux filles dans la maison. Elle fait même un dessin pour montrer où son mari se tenait par rapport à elle. Et après ? Eh bien après, comme si de rien ne s'était passé, Martine Leprince est retournée s'allonger dans son lit. Et elle a attendu que son mari vienne se coucher lui aussi. Les gendarmes interrogent alors Célia, la fille aînée du couple. À leur grande surprise, l'adolescente confirme en deux temps les propos de sa mère. Elle dit qu'elle a entendu ses cousines crier, oui, puis elle explique avoir vu un homme frapper son oncle, Christian, effectivement, avec une sorte de couteau. Enfin, elle déclare, papa a traîné oncle Christian le long de la haie de Tuya. Après plus de 40 heures de garde à vue et une cascade de questions, Dany le Prince est ramené devant les gendarmes, épuisé. Il affirmera par la suite que les enquêteurs l'ont menacé et qu'il lui aurait fait croire que sa fille était dans le bureau d'à côté en train de crier. La suite, c'est entre Dany le Prince et les gendarmes que ça se passe. Alors, pression, harcèlement, en tout cas, c'est dans ces conditions qu'il passe aux aveux. Sur le procès-verbal, voici ce qu'il déclare. Je vais maintenant m'expliquer. Ce soir-là, j'étais dans un état second. Je n'ai pas pu me contrôler. Je me suis arrêté chez mon frère. Je ne peux pas dire la suite. C'est tout ce que j'ai à dire. Les gendarmes perquisitionnent de nouveau le domicile de Dany et Martine Leprince. Dany est photographié, filmé, menotté. Dans les médias, la séquence de la perquisition va agir comme la preuve qu'il est bien meurtrier. De retour à la gendarmerie, toujours d'après ce qu'on peut lire sur le procès-verbal, Danny se remet à parler. Et il explique que ce soir-là, il est allé voir son frère pour lui demander de lui prêter de l'argent. Celui-ci aurait refusé. Il raconte qu'il a frappé Christian avec le hachoir de boucher. Et il affirme enfin que sa femme Martine n'a rien à voir avec cette histoire. Mais concernant les trois autres meurtres, celui de Brigitte et des deux petites filles, eh bien, il n'a rien à dire. À sa sortie de la gendarmerie, harcelé par une meute de journalistes, le procureur Jean-Claude Tain fait un point sur l'avancée de l'enquête. Mobile tel qu'on peut l'imaginer, effectivement, il est certain que des raisons peut-être d'intérêt ou de jalousie, enfin les vieilles motivations qui font malheureusement parfois dans le mauvais sens marcher le monde. Est-ce qu'il a avoué ? Il y a des éléments dans le dossier, il y a effectivement des aveux, mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui permettent de conforter les déclarations qu'il a faites. Est-ce que l'arme du crime a été trouvée ? Nous avons lieu de penser, sous réserve des expertises auxquelles il sera procédé, que l'arme du crime a été retrouvée. Chez la juge d'instruction, Danny Le Prince déclare qu'il n'est conscient que de 60% de ce qu'il a fait. Et il n'ajoute rien. La magistrate le met en examen pour le quadruple assassinat et l'envoie en prison. À Torigné, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ici, tout le monde connaît Danny Le Prince. Mi-agriculteur, mi-boucher, il est décrit comme un homme modeste, honnête, aimable et toujours prêt à rendre service. Alors, comment a-t-il pu commettre un tel crime ? S'agit-il d'un coup de folie, comme on peut le lire dans le journal ? Au sein même de la famille Le Prince, ses parents, son oncle, ses cousins, tout le monde refuse de croire à la culpabilité de Danny. Pour les journalistes, l'un des mobiles du crime pourrait être la jalousie. Depuis des années, en effet, Danny s'épuisait entre ces deux activités sans arriver à joindre les deux bouts à l'inverse. Christian, son frère, connaissait la réussite avec sa carrosserie et vivait confortablement dans sa maison qu'il avait fait agrandir. Alors, envoyés spéciaux et correspondants traquent la famille Le Prince pour tenter d'obtenir une réaction, un commentaire sur la relation entre les deux frères. Comme ici avec Alain, le plus jeune des trois, suivi jusque devant la porte de sa maison par une caméra de France 2. On est une famille déchirée alors. Non, je veux pas en rajouter, j'ai aucun commentaire. Jeudi 23 septembre. À la nuit tombée, la juge d'instruction Brunetière organise une reconstitution à huis clos dans le jardin et la maison de Christian et Brigitte Le Prince. Danny est là, menotté, il porte un gilet pare-balles. C'est à ce moment qu'intervient le second tournant de toute cette affaire. Alors qu'il marche dans le jardin, entouré par les gendarmes, Danny attrape le bras de la juge et lui dit « Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi, je suis innocent ». Le lendemain, la magistrate auditionne de nouveau Danny Le Prince, qui affirme que ses aveux lui ont été extorqués par les gendarmes après plus de 40 heures d'interrogatoire. Et il ajoute « C'est ma femme Martine qui les a tués ». La juge décide alors de confronter Danny et Martine, mais chacun campe sur ses positions, les accusations sont réciproques. Les années passent et l'enquête s'enlise. C'est donc pour l'instant sur la base d'un simple faisceau de présomption et malgré l'absence de preuves matérielles que la juge d'instruction renvoie Danny Le Prince devant la cour d'assises de la Sarthe, le procès est prévu à la fin de l'année 97. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Depuis le début de l'après-midi, Dany Le Prince comparaît devant les assises de la Sarthe. Il y a 4 ans, on pense que c'est lui qui a assassiné son frère, sa belle-sœur et 2 de ses nièces dans le petit village de Thorigné-sur-Dué, près du Mans. Un massacre au hachoir de boucher. Seulement voilà, Dany Le Prince nie aujourd'hui, ne cesse de clamer son innocence. Frédéric Carbone a assisté à cette première journée d'audience. Dany Le Prince n'a jamais été très bavard. Au lendemain du quadruple meurtre, devant quelques personnes, il disait seulement « On sera surpris quand on saura la vérité ». Quelques jours plus tard, devant les gendarmes, après 48 heures de garde à vue, il avoue, mais n'explique rien. Il raconte qu'il a seulement tué son frère, qu'il n'a pas pu s'acharner ainsi sur sa belle-sœur et ses nièces, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Puis plus tard, il se rétracte, sous-entend que sa femme est peut-être impliquée dans la tragédie et reste muet lors de la reconstitution. En année là, un homme que sa femme et sa fille accusent et qui nie, un acte de fureur sans mobile et sans preuve matérielle. De Dany Le Prince, on sait seulement qu'il menait une vie de labeur, employé aux abattoirs la nuit, travaillant la terre le jour, qu'il n'avait jamais pris de vacances et qu'il avait sous ses yeux tous les jours la réussite de son frère, la maison voisine et le garage symbole du succès. Il y a également les traces d'une dette entre les deux frères, des histoires de jalousie entre les belles-sœurs, la présence d'une mère que l'on dit autoritaire et régentant la famille, et l'ombre d'un père taciturne et lui aussi peu causant. Il y a donc, au début du procès, les éléments d'un huis clos familial pesant. L'avocat de Dany Le Prince affirme qu'il ne craint pas un déballage sordide si c'est le seul moyen d'approcher la vérité. 11 décembre 1997, le procès de Dany Le Prince s'ouvre devant la cour d'assises de la Sarthe. Pour la première journée d'audience, une foule de curieux, voisins, membres de la famille ont fait le déplacement. Les journalistes aussi sont là, en très grand nombre, évidemment. Vers 10h, les gendarmes font entrer l'accusé dans le box. Après 2 ans de détention, l'ancien agriculteur a vieilli, amaigri, teint pâle, regard vide, loin de l'image de boucher sanguinaire que lui avait collé la presse. Le public découvre au contraire un homme simple, un monsieur tout le monde qu'on pourrait croiser au coin de la rue. Le président du tribunal commence l'interrogatoire de Dany sur ses problèmes d'argent. « Oui, on en avait », répond l'accusé, avant d'ajouter « Mais ça allait, vous savez, en tout cas, il n'y avait pas de problème avec le frangin ». Puis, le président aborde le crime. Dany change alors de regard, de ton. Il ne sait pas, il se défend comme il peut. Le président lui rappelle alors qu'en garde à vue, puis chez le juge, il a fait des aveux circonstanciés. Dany accuse les gendarmes de lui avoir extorqué ses propos. À un moment donné, il se retourne et pointe sa femme du doigt et il lance « C'est elle l'assassin !» Appelés à leur tour à la barre, les deux psychiatres chargés de l'expertise décrivent Dany comme, je les cite, « un individu insensible, capable d'une violence extrême et aussi de renier intérieurement un crime qu'il sait avoir commis. Une condamnation avant l'heure. » L'avocat de Dany Le Prince, Maître Pelletier, réagit et dénonce une manœuvre de l'accusation. En effet, il n'existe dans ce dossier aucune preuve matérielle indiscutable contre Dany Le Prince. Et c'est bien sur la base du témoignage de sa femme, qui a changé 3 fois de version, rappelons-le, que les gendarmes ont monté tout leur dossier d'enquête, peut-être dans la panique, probablement sous la pression. Et surtout, sans prendre en compte plusieurs éléments parmi eux. Il y a les fameuses empreintes de pas retrouvées dans toute la maison. Il y a aussi l'ADN inconnu sur un petit couteau retrouvé sur le sol du salon. Pire, Maître Pelletier rappelle que dans la précipitation, des scellés ont été égarés. Et que l'enquête a été bouclée en 5 jours, que l'heure du crime estimée par les médecins légistes a été par la suite changée dans le rapport d'autopsie pour coller avec l'arrivée de Dany, le prince, chez lui. L'avocat affirme que l'accusation se borne à accumuler une série d'éléments à charge qui construisent un parfait coupable, mais qui ne prouvent rien. Personnage central du dossier d'accusation, Martine Le Prince, donc. Elle est appelée le lendemain à la barre. Face à la cour, elle sanglote et affirme qu'elle est aussi une victime dans cette affaire. Puis, à la demande du président, elle raconte la soirée de meurtre, la dispute qu'elle dit avoir vue entre Christian et son mari. Lorsqu'il entend ça, Dany Le Prince se redresse et crie « Elle ment, c'est elle qui a commis le crime avec son amant !» Les propos de l'agriculteur et son argumentation sont confus. En fait, il le discrédite. D'autant que, dans la foulée, Célia, la fille aînée de Martine et Christian Le Prince, confirme à la barre les propos de sa mère. Lors du troisième jour d'audience, le président de la cour fait lire le témoignage accablant d'une autre personne qui dit avoir assisté au crime. Solène. Rappelez-vous, la petite fille récupérée par les secours, saine et sauve. Elle avait tout juste 2 ans au moment des faits. Quelques mois après le drame, elle avait eu un comportement étrange chez sa nourrice. Sur un journal, avec la photo de son oncle Danny, par exemple, elle l'avait pointé du doigt et avait dit « Papa, maman, pas gentil, tonton ». Face au juge d'instruction, elle refait ce geste. Or, pour Maître Pelletier, ce nouveau témoignage est irrecevable. C'est d'autant plus paradoxal qu'elle n'avait que 2 ans à l'époque, qu'elle ne parlait pas et que, quoi que l'on en dise, elle ne voyait pas très bien. Et que, par-dessus le marché, rien ne démontre objectivement qu'elle ait assisté à la scène. L'expert, on lui présente une gamine qui a des séquences figées dans sa tête. Le problème est de savoir si elles sont figées parce qu'elle les a vécues ou si elles sont figées parce qu'on les lui a dites. À partir de là, l'expert, lui, fait des constatations, puis il en tire des conclusions. Mais vous savez qu'il n'y a rien de plus discutable qu'un rapport d'expertise. Au terme des débats, et bien que, comme l'explique le procureur, le procès n'ait pas permis de comprendre tout ce qui s'est passé et que certaines personnes n'aient pas tout exprimé, rien que ça, le verdict tombe. Danny Le Prince est condamné à la prison à perpétuité pour le quadruple assassinat de son frère, Christian, de sa belle-sœur, Brigitte, et de leur fille, peine assortie d'une période de 22 ans de sûreté. Dans la salle d'audience, des membres de la famille Le Prince s'effondrent. En 1997, il n'existe pas encore de procédure d'appel lors d'un procès en cour d'assises. Seul empressé à cassation peut donner lieu à un changement de verdict, et encore, il ne se tient qu'en cas de vice de procédure. Alors, des anonymes, des proches de la famille s'activent en coulisses pour trouver de nouveaux témoins, de nouvelles pistes et tenter, pourquoi pas, d'innocenter Danny Le Prince. Parmi eux, Roland Agré, lui-même victime d'une erreur judiciaire. Ensemble, avec certains cousins, Danny et une multitude d'anonymes, il regroupe plusieurs éléments intrigants qui conduisent à la saisine de la commission de révision. Il y a tout d'abord la proximité de Martine, la femme de Danny, avec l'un des enquêteurs, puis la découverte d'un couteau gravé Le Prince en 1999 dans une carrière à une vingtaine de kilomètres de Torigné. Rien entendu par la justice, l'ex-femme de Danny tient alors des propos terrifiants. « Je me demande si je n'ai pas fait quelque chose. J'ai peut-être tué quelqu'un, » dit-elle. Il y a ensuite les empreintes découvertes dans la maison et qui n'appartiennent pas à Danny. Parmi les journalistes qui se sont intéressés à ce dossier, certains dénoncent une enquête bâclée et un procès à charge. C'est le cas, par exemple, de Nicolas Poincaré. Quand on lit le dossier, on s'aperçoit que les accusations de sa femme ne tiennent pas la route. Elles sont bourrées d'incohérences. Et puis surtout, il n'y a pas de traces matérielles du tout. Il n'y a aucun de ses ADN sur les lieux du crime. Il n'y a pas une goutte de sang sur ses vêtements. Il y a des traces de chaussures qui sont du 39 ou du 40 alors qu'il chausse du 46. Voilà. Matériellement, il n'y avait rien contre lui. Au terme d'une bataille judiciaire hors norme, qui finit par démontrer que la culpabilité de Danny Le Prince n'était pas établie de façon certaine, l'agriculteur est remis en liberté en 2010, après 16 ans de prison. Mais il est réincarcéré 1 an plus tard, en 2011, lorsque la cour de révision refuse de le rejuger. Les nouveaux avocats de Danny Le Prince déposent alors tous les recours possibles et demandent même une grâce présidentielle qui, elle aussi, est refusée. Il faut attendre le 10 octobre 2012 pour que l'ancien agriculteur se voie accorder une libération conditionnelle. Il est assigné à résidence et doit porter un bracelet électronique. Depuis décembre 2015, la justice saisie par Robert Le Prince, le père de Danny et Christian, enquête sur une nouvelle piste, celle d'éventuels complices, et tente de lever les dernières zones d'ombre dans ce dossier. Des investigations sont en cours. Permettront-elles enfin de prouver l'innocence de Danny Le Prince? Saura-t-on enfin ce qui s'est passé cette nuit du 4 septembre 1994 à Torigné-sur-Douai, dans la Sarthe? écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Dany Le Prince. Notre invité en duplex des studios de France Bleu à Toulouse, maître Édouard Martial, avocat à la Cour. Bonjour. Bonjour, monsieur Drouel. Vous défendez depuis 2014, c'est ça, hein, les intérêts de Dany Le Prince. Oui. Bien. Oui. Alors, avant de revenir sur le cœur de l'affaire, j'ai quand même envie de vous demander si, selon vous, ce dossier est symptomatique des enquêtes qui se résument par, je reprends une formule de maître Jacques Vergès, trouver un coupable à tout prix et peu importe si on se trompe et qu'on envoie un innocent en prison. On aurait pu dire ça aussi pour Ranucci, pour Patrick Dils. Y avait-il dans cette affaire Le Prince un contexte encourageant le « il faut absolument un coupable » ? Je le crois, oui. Mais si vous me permettez juste deux mots pour vous dire que je viens de réécouter, et d'autres avec moi, Jean-Louis Pelletier, sa voix, et que bien évidemment, ça procure une énorme émotion, parce que il est un de nos inspirateurs, à nous les pénalistes. Pour répondre à votre question, bien sûr que tous les ingrédients sont là. Il y a d'abord ces fermes qui se côtoient, il y a un village à l'intérieur duquel il ne s'est jamais rien passé, et bien évidemment jamais l'horrible. Et puis, tout de suite, l'incertitude dans laquelle les services de gendarmerie vont se trouver, il y a ce huis clos familial, des familles qui, semble-t-il, se jalousent, c'est du moins ce qu'on a prétendu et qui est peut-être pas la vérité, et il faut, à toute vitesse, trouver un coupable, parce que l'inquiétude et les sentiments de peur qui sont ceux de la population ne peuvent rester ainsi lettre morte. Il faut, tout de suite, y répondre. Vous avez parlé de certaines affaires, vous pouvez y rajouter sans crainte les décisions prises dans l'affaire Omar Haddad, oui. Et puis n'oublions jamais qu'il y a l'affaire de la Vologne qui n'en finit pas de finir et qui, bien évidemment, fait que l'institution judiciaire, elle doit répondre. L'institution policière ou l'enquête doit également suivre à toute vitesse, peu importe les méthodes. Peu importe la recherche de preuves, qu'elles soient suffisantes ou insuffisantes, on s'en contentera. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une certaine panique chez les gendarmes face à l'ampleur du crime, la barbarie du crime, dans une région où peut-être n'avaient-ils jamais croisé d'affaires comme ça ? Je pense que c'est la bonne analyse. Hein. On le constate, il y a une panique absolue. Comment pourrait-il en être autrement ? Les gendarmes ne sont que des hommes. Et lorsque ils sont devant ces cadavres mutilés, ces mares de sang, comment la sensibilité des uns et des autres ne pourrait pas être, bien évidemment, lacérée? Je comprends qu'on puisse se laisser aller à cette émotion. Mais il faut faire attention parce que quand l'émotion remplace la recherche de la preuve, quand on laisse les traces de pas, quand on ne les analyse pas, quand on ne fait pas les recherches et qu'on ne cible pas ce qui peut matériellement ensuite aider à l'enquête, on laisse cette émotion devenir la loi et de l'enquête et du procès. Et donc la justice ne peut pas agir en toute sérénité, pourtant c'est l'un des principes cardinaux de la justice. Oui, aucune sérénité. Mmh. On le voit d'ailleurs très vite. Quand Martine va faire ses accusations, elle est immédiatement reçue. Ça ne pose strictement aucune difficulté qu'elle change de version, ne pose aucun problème. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Alors que Dany Le Prince essaie de se battre pendant plus de 40 heures de garde à vue, je rappelle que la garde à vue à l'époque, c'est pas une partie de plaisir. C'est pas le dernier salon où l'on cause. Hein. Mmh. C'est un endroit où, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, il se passe des choses dures. Les insultes ne sont pas mises entre parenthèses. Il faut absolument obtenir des aveux, peu importe que ces aveux soient amputés, que ces aveux ne soient pas corroborés par des éléments matériels. Quand même, que penser ? Des aveux qui consistent simplement à dire « oui pour l'un, non pour les autres, et je ne dis plus rien ». C'est quand même extraordinaire. On va vérifier. On va voir sur le terrain s'il y a des éléments matériels qui peuvent venir corroborer ne serait-ce qu'un tout petit peu ces aveux. Mais non, on est dans la dictature de l'émotion. C'est fini. Alors, parmi les moments les plus troubles de cette affaire, et là ça croise alors beaucoup d'autres affaires, il y a évidemment l'épisode des aveux hein, de Dany Le Prince, et puis il va se rétracter quelques jours plus tard. On retombe sur le grand problème de l'aveu et des circonstances dans lesquelles ces aveux sont confiés. Bien sûr, vous avez raison, là encore, de le souligner. La religion de l'aveu, c'est vraiment la foi absolue dans la parole de celui qui va s'accuser à un moment donné. Dès que cette accusation est portée par celui qui s'incrimine tout de suite, on arrête tout. Bien évidemment, à cette époque-là, il n'y a pas d'avocat en garde à vue. Donc, Dany Le Prince est soumis à ce que nous avons décrit l'un et l'autre, et au feu roulant des questions. Ça brûle. C'est extrêmement dur. Et puis ensuite, il arrive devant le juge d'instruction. Et là aussi, il fait un demi-aveu. On s'en contente. Mais par contre, en revanche, quand le 23 septembre, le jour du transport sur les lieux, il dit « J'ai dit n'importe quoi. Je ne suis responsable de rien. Je ne suis pas coupable. Je n'ai rien fait. » Mais il peut toujours le dire. Ça tombe dans le vide. Alors, le mobile du crime, pour les enquêteurs, serait lié, lié à une histoire d'argent, une dette que Dany Le Prince avait contractée auprès de son frère Christian. Pourtant, et d'après ce que vous avez pu constater aussi, au vu de tous les témoignages des membres de la famille Le Prince, Dany et Christian entretenaient de bonnes relations. Voilà. Alors, Dany et Le Prince sont deux frères qui s'apprécient. Ils ont chacun mené leur chemin, et ils ont chacun, à leur niveau, essayer de réussir. Vous l'avez dit, Dany Le Prince mène une double vie professionnelle, il s'accroche, il est dans cette entreprise de boucherie, et puis la journée, il s'occupe de la propriété agricole. Son frère à côté a réussi dans la carrosserie, mais les deux frères, ils se voient sans arrêt. Alors on nous sort la vieille reconnaissance de 1986, je rappelle que cette reconnaissance de dette, elle ne prévoit même pas de modalité de remboursement. C'est quand même extraordinaire. Mais ça n'attire bien évidemment pas l'attention de qui que ce soit. Et on est en 1994. Donc il aurait fallu que ceci mûrisse pendant 8 années. Mais ça sort de l'entendement. Il fallait que je trouve un mobile. On l'a trouvé. S'il n'y avait pas eu cette reconnaissance de dette, bien évidemment que le problème du mobile se serait posé à l'infini et on serait retombé dans les histoires de caves et de greniers qui recèlent les secrets des familles et qui, bien évidemment, se détestent dans le plus épais silence. Mais franchement, les jalousies de l'une vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Alors on croise aussi, et c'est une vraie question dans les procès, le rapport des experts psychiatres. Alors, parmi les premiers à être interrogés à la barre, il y en a deux, donc chargés de déterminer le comportement psychologique de l'accusé. On va écouter un extrait de leur déclaration, lorsqu'ils seront ensuite face à la presse, bien sûr, on peut pas capter au tribunal. Il peut se fabriquer ce cinéma intérieur tout en y croyant, tout en... Mais ce qu'il faudrait, c'est que les autres y croient, enfin, autour de lui. Et il ne peut pas, d'ailleurs, se penser autrement qu'innocent. Parce que s'il se pense autrement qu'innocent, il est déstructuré, il est anéanti, il est ce que je disais dans mon exposé tout à l'heure, il devient ce monstre inacceptable, quoi, au regard des autres et au regard de soi-même. Alors, là, il y a quelque chose de troublant, ça ressemble à une condamnation avant l'heure. Et puis, ces psychiatres ont dit aussi que Dany Le Prince, son état psychique aurait pu le conduire à commettre un tel crime. C'est terrible, parce qu'on est dans le virtuel, on condamne par quelqu'un sur une supposition de dangerosité. Ça, c'est la tarte à la crème de l'expertise. Quand l'expertise judiciaire, et j'ai un respect profond pour les experts psychiatres, on en manque, et vous savez, je crois que vous en avez d'ailleurs parlé, de l'état de la psychiatrie et de l'expertise psychiatrique en France. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit, est insupportable. Les voilà venir à la barre dire « je vous explique tout pour une seule raison ». C'est que s'il avouait son crime, il se déstructurerait et ce serait l'effondrement. Il ne peut pas se reconnaître dans le monstre qui a commis ces crimes. C'est affreux. Ça veut dire qu'il ment, forcément il ment. À l'évidence, il ment. Alors que les gens ont été entendus, il y a eu des témoins. Dany, c'est pas du tout le personnage tel qu'il a été décrit psychiquement. On l'a vu, on le connaît depuis sa plus tendre enfance. Et on sait à quel point, d'abord, c'est un garçon modeste, sympathique, qui essaie de rendre service à tout le monde, qui s'entend avec les uns et les autres. Cette expertise psychiatrique, c'est double, cette double expertise psychiatrique, je comprends qu'elle ait provoqué la colère de Jean-Louis Pelletier. Alors, ensuite, après le procès, depuis sa condamnation en 97, un comité de soutien s'est formé pour que Dany Le Prince obtienne un procès en révision. Ce n'est qu'en 2010 que la Cour de cassation ordonne enfin une suspension de peine, c'est bien ça, dans l'attente d'un nouveau procès. Mais coup de théâtre, moins d'un an plus tard, Dany Le Prince est renvoyé en prison. D'abord, pourquoi? Et est-ce qu'on peut parler d'acharnement, là, pour le coup? Je vais reprendre les expressions qui ont été employées, pas par n'importe qui, pas par des commentateurs et pas par des avocats en mal de reconnaissance. Madame Anziani, qui est la présidente de la commission de révision, s'exprimera. C'est pas son habitude. C'est elle qui dit il doit y avoir un second procès pour Dany Le Prince. Mmh. Et c'est elle qui, au terme de cette enquête, qui, je le rappelle, a duré 5 ans dans le cadre de la révision, on a entendu des témoins, on a entendu des experts, vous avez d'ailleurs cité une partie de l'expertise concernant Martine Le Prince. C'est elle qui va s'exprimer ensuite dans la presse, et notamment chez un de vos confrères, et qui va dire « Franchement, j'ai pas tourné la page. » Et avec Dany Le Prince, on est passé à côté de la justice. Un deuxième magistrat, et pas n'importe lequel, l'avocat général, monsieur Maton, aura exactement les mêmes propos et dira « Décidément, en France, on répugne à réviser. » C'est vous dire à quel point cette affaire Le Prince a été carcanisée, à la fois par l'émotion qui est devenue la loi de l'enquête et du procès, et ensuite par cette répugnance de l'institution judiciaire française à s'ouvrir voilà, et à dire « Peut-être, peut-être que je me suis trompé, laissons une deuxième chance à celui qui envers qui peut-être qu'on s'est pas très bien comporté. Alors, que fait aujourd'hui Dany Le Prince? A-t-il réussi à se reconstruire? Comment vit-il? Alors, Dany Le Prince s'est reconstruit. Dany Le Prince vit dans le Lot-et-Garonne, tout le monde le sait. Il vit, alors, il traverse une vie extrêmement paisible. Il est accompagné par une femme remarquable. Et pourtant, je peux vous dire que l'institution judiciaire ne l'a pas lâché, ne l'a pas abandonné. Vous savez, moi, j'ai vécu un épisode absolument extraordinaire avec lui. Il demande à pouvoir se rendre à la sépulture de son père. Je rappelle que sa maman, ruinée par le chagrin, est décédée. Et on lui refuse. Et la décision de justice qui lui refuse la sépulture de son père va mettre du temps et va suivre des arcanes et on va s'apercevoir que Dany Le Prince, il les vit peut-être pas à l'endroit qu'il avait indiqué être sa résidence. Et là, écoutez bien, écoutez bien. Sans savoir si Dany Le Prince se rend à la sépulture, ce qui était son intention première. Mais il a connaissance de la décision, donc il fait demi-tour. On envoie, vous imaginez, plein de gendarmes autour du tombeau de son père pour l'arrêter sur ce lieu sacré. Il revient. C'est à ce moment-là qu'il m'appelle. Et moi, je préviens tout de suite à la fois sa conseillère probation et le procureur de la République d'Agen. Vous savez ce qu'ils font? Dites-moi. Le prince, vous savez, il ne lui a rien été épargné. Nous arrivons dans le bureau du SPIP, ce qu'on appelle le service de probation, et là, nous sommes accueillis par celle qui le suit depuis longtemps, et puis le directeur de ce service. Et le directeur de ce service, type gêné, petite qualité, je le dis tout de suite, j'ai pas peur des mots que j'emploie, a prévenu le procureur de la République qui, en bas de l'immeuble, nous a envoyé les services de police. Et à peine Dany Le Prince est-il en bas, alors même qu'il est rentré avec moi, que je l'ai accompagné, se voit bien évidemment menotté immédiatement, il a insulté l'institution judiciaire, il va payer pour cela, et on va révoquer sa libération conditionnelle à hauteur de 6 mois. C'est vous dire que Dany Le Prince, ou plus exactement, la justice n'en a jamais fini avec Dany Le Prince. Quel est son statut de justiciable aujourd'hui? Il est en libération conditionnelle. Cette libération conditionnelle se termine dans le courant de l'année 2020. Et j'espère qu'à partir de cet instant-là, c'est plus moi que vous inviterez. Mais quel est votre rôle là aujourd'hui? Vous défendez... Aujourd'hui, moi je l'accompagne dans tout ce qui est la libération conditionnelle, enfin l'aménagement de peine. Je travaille avec lui sur tous les éléments qui pourraient éventuellement servir à une nouvelle requête en révision. Et puis, surtout, on suit de très loin, on s'empresse de le dire, ce qui se passe dans une autre ville, c'est-à-dire qu'il y a une plainte qui a été déposée par le père de Dany Le Prince. L'instance a été reprise par un autre membre de la famille. Il y a une information qui est en cours sous l'angle de la complicité. Et il va très certainement y avoir des investigations qui vont être menées. On ne va pas laisser les ADN comme ça dans l'air. On va peut-être se poser la question de savoir pourquoi les scellés ont disparu. Peut-être savoir, essayer d'en savoir un peu plus sur l'arme du crime elle-même. Ça faisait beau de dire la feuille du boucher, le boucher de Torigné. Bien sûr. Construction judiciaire. Ouais. Hein. Donc peut-être ouais. la vérité un peu plus tard. Un peu plus tard. Merci en tout cas infiniment, merci Martial, pour votre témoignage et vos éclairages. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui Dany Le Prince, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et si le cœur vous en dit, vos commentaires. Et merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui. Rendez-vous demain pour Affaires Sensibles, même endroit, même heure, et nous parlerons d'une affaire sensible parce qu'elle est actuelle, l'affaire Benalla.